Jeudi 6 octobre, ici Dominique Lelièvre pour les informations à CKRL. D'abord, le policier accusé d'avoir happé un cycliste dans le quartier Saint-Roch subira bel et bien un procès. Au terme d'une enquête préliminaire et après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge de la Cour du Québec a déterminé que les éléments de preuve justifiaient la tenue d'un procès. Le policier Simon Beaulieu est accusé de conduite dangereuse et de négligence criminelle. Dans l'après-midi du 3 septembre 2014, il avait happé mortellement le cycliste Guy Blouin alors qu'il tentait de l'intercepter en faisant une marche arrière avec sa voiture. Simon Beaulieu, qui reviendra en cour le 9 décembre prochain pour connaître les dates de son procès. Scène culturelle, les Violons du Roi ont un nouveau directeur musical. Le chef d'orchestre britannique Jonathan Cohen succède à Bernard Labadie, qui avait laissé son poste vacant en 2013. L'orchestre de chambre de Québec a donc fait cette annonce ce matin. Les rapprochements entre les Violons du Roi et Jonathan Cohen ont débuté il y a 2 ans quand M. Cohen avait accepté de remplacer M. Labadie, qui était affecté par la maladie. Et ce, au cours d'une tournée européenne. L'homme de 39 ans débutera son mandat en février prochain. Il restera en fonction au moins jusqu'en 2021. Scène internationale, eh bien, après avoir ravagé Haïti, l'ouragan Matthew balaie aujourd'hui les Bahamas. Il est repassé en catégorie 4 sur une échelle de 5 et les projections indiquent qu'il pourrait frapper les côtes américaines cette nuit, forçant l'évacuation de 2 millions d'Américains répartis dans 3 États du sud-est du pays, soit la plus grande évacuation aux États-Unis depuis l'ouragan Sandy en 2012. Course au Parti québécois, enfin, selon Radio-Canada, le député Nicolas Marceau annoncerait sous peu qu'il appuie Jean-François Lisée, le député de Rousseau et leader parlementaire de l'opposition officielle, deviendrait ainsi le 5e appui de Lisée parmi la députation du Parti québécois. Rappelons que quelques 73 000 membres du Parti québécois votent présentement par scrutin préférentiel pour élire un nouveau chef dont l'identité sera connue demain. À Lévis. La météo est une présentation de Rainfray Volkswagen. Durant le Volksfest, réveillez-vous au volant de la Volkswagen de vos rêves avec le financement à partir de 0% sur 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. Beaucoup de soleil sur Québec présentement, maximum atteindre de 21 degrés cet après-midi. Il fait 17 présentement. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, minimum 8. Des nappes de brouillard pourraient se former. Très belle journée demain aussi avec beaucoup de soleil, un maximum à 22 degrés et même 26 avec le facteur humidex. Environnement Canada qui nous annonce une pluie intermittente et 16 degrés pour la journée de samedi et le retour du soleil dimanche.